for 10 minutes. We are going to interrupt the interview to listen to a documentary. Belvédère sonore par Jonathan Friedrich. Belvédère sonore. Paysage à écouter, musique à regarder, œuvre à réinventer. Les belvédères sonores proposent des déambulations augmentées mêlant art, musique et paysagisme. Guide commenté en musique ou expérience de nouvelles médiations culturelles, les belvédères sonores relèvent le pari d'extirper une performance sonore d'une salle de concert pour la transposer à une œuvre d'art public. On entend l'œuvre plongée dans son décor naturel, puis se doubler de sons expressément conçus par des musiciennes et musiciens de la ville de Genève. C'est un processus en deux temps dans lequel la musicienne, le musicien, s'approprie l'œuvre pour la réinterpréter, la moduler, puis la traduire en sonorité. L'œuvre plastique devient finalement source de diffusion. Les belvédères sonores questionnent les sens que nous mobilisons pour contempler une œuvre d'art et nous représenter la réalité qui nous entoure. Dans cet épisode. Donc on est devant Alexandre Joly. Trois sculptures en marbre. Le titre des sculptures, bon, c'est sans titre, entre parenthèses, la famille, sur lesquelles sont gravées des formes un peu concentriques, comme des ondes, certaines carrées, d'autres un peu ovoïdes, d'autres une autre circulaire. Et les lignes sont gravées, on sent la main, quoi. Elles sont pas parfaitement symétriques, bien qu'elles soient quand même assez géométriques. Et j'ai choisi celle-là, en fait, je pense, de manière très instinctive, déjà, elle me parlait, il y avait cette idée déjà pour moi de sonore dans ces lignes, et tout de suite elles évoquaient pour moi comme des sons, comme si elles émettaient des sons déjà. Donc c'était un point de départ très simple et un choix aussi simplement esthétique. Je pense que ça fait longtemps que je les vois, elles font partie pour moi de mon paysage, on va dire, local. Je m'en souviens depuis longtemps. J'ai même une image, je pense, d'ici, avant qu'il y ait les aménagements pour les exercices et le terrain pour les enfants, là, à côté. Voilà, elles me sont familières. Alors l'œuvre s'appelle Le Valais et Hasard. C'est une œuvre, Antoine Lind, comme vous pouvez l'entendre un petit peu, qui est installée dans un tunnel qui se trouve à la rue du Valais, à l'entrée des paquis entre la rue de Montbriand et puis qui va donner sur la rue de Lausanne. C'est un tunnel qui est un tunnel sous voie. En fait, on est très très proche de la gare, donc il y a les trains qui passent par-dessus, dont on devine la présence grâce au son, comme celle des voitures et des motos qui passent de manière beaucoup plus évidente. C'est un endroit qui est assez chouette parce que c'est un endroit de passage pour les voitures. Qui joue vraiment cette fonctionnalité de tunnel, et puis c'est aussi un passage piéton et un passage pour les vélos qui permet à un autre rythme d'apprécier un petit peu l'espace. Et alors objectivement, ce qu'on voit, c'est, pour décrire l'œuvre, c'est un réseau de néons de couleur bleue qui s'articule un petit peu sur, sur trois sites, en fait, entre les voûtes du tunnel et puis ces trois réseaux de néons se construisent un petit peu comme une sorte d'éclair comme ça au plafond du tunnel. Alors ben justement, ce que je trouve intéressant avec cette œuvre, c'est que elle a quelque chose de monumental et en même temps d'extrêmement discret. C'est-à-dire que si, par exemple, si on passe en voiture, elle nous aide dans le sens où elle éclaire le tunnel, mais on la voit absolument pas. On l'avait pas à imaginer que c'est une œuvre, mais que c'est simplement un élément du mobilier urbain pour éclairer. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement dans cette œuvre, il y a finalement quelque chose qui est de l'ordre de l'inutile et du nécessaire, mais qui se planque dans quelque chose de totalement utile, en fait. Et en fait, il y a un brouillage à ce niveau-là dans le travail de François Morlaix, en tout cas ici, que je trouvais vraiment assez fort. Et puis, dans ma perspective, justement, j'aime bien maintenant m'intéresser aux espaces et puis à ce qu'ils proposent et trouver finalement une manière d'y intervenir pour faire ressortir ce qui existe déjà et puis justement créer un rapport qui est un rapport d'écoute, qui est aussi un rapport de composition. Parce qu'il y a une proposition que je fais, mais qui est aussi un rapport de composition qui est fait par l'auditeur. Et ici, d'autant plus, à l'occasion d'une visite dont la date, l'heure n'est pas forcément fixée, donc qui crée aussi... Qui crée aussi une contingence qui est absolument incroyable, en fait. Parce que selon le moment où on vient, on n'entendra pas du tout la même chose, voire on n'entendra peut-être pas forcément ce qui est diffusé dans les casques, mais on entendra plutôt l'espace en tant que tel. Bah ici, on est à Petit-Lancy, dans une cour intérieure entre Olga Kocharova, les bâtiments d'habitation, un hôtel et puis les autres bâtiments dont c'est un peu difficile de savoir la fonction, peut-être des bureaux. Et c'est une cour intérieure qui est accessible au public, mais c'est un endroit qui est assez caché, que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert en cherchant l'œuvre pour laquelle j'avais envie de composer. Il y a une allée en enrobée qui traverse cette cour et à un moment donné sur ce trajet on retrouve un banc en béton sablé sur lequel est posé un objet. Ce sont des jumelles plutôt un modèle plutôt ancien. C'est un œuvre, donc le banc avec les jumelles qui sont en fente et qui sont solidarisées avec ce socle. C'est une œuvre de Sabine Tolène qui s'appelle Fenêtre sur cour, qui est une référence au film de Alfred Hitchcock. C'est quelque chose qui est assez discret dans l'espace, mais qui est pour moi un objet qui, dans cet espace qui est déjà à fort potentiel suggestif, en fait, change assez fortement notre perception du lieu et plonge dans un temps un peu autre, figé ou même achronique. Ce lieu m'a donné, ou cette configuration particulière avec l'œuvre qui met en exergue tous les ressentis que ce lieu peut générer, ça m'a donné l'impression que justement il y a une grande marge de liberté dans la création d'une pièce. Et j'ai travaillé avec un système binaural avec lequel on a facilement... on a l'impression d'avoir un espace en 3D, un espace acoustique. Et puis, donc ce lieu donne l'impression que n'importe quelle action, ou tout est possible dans ce lieu, qui était pour moi une grande marge de liberté dans la création. Voilà, j'ai travaillé à partir d'une multitude de sources, en essayant de créer des histoires qui auraient pu se passer dans ce lieu. J'espère qu'on arrive à se faire prendre dans cet entre-deux, quelque chose où on ne sait plus si les choses qu'on entend et qu'on vit, qu'on expérimente aussi, sont des choses réelles ou si ce sont des choses qui sont dues à notre imagination. Alors, j'ai choisi le cube de Joël Fumet. Eleonora Polato. Et le cube, c'est un cube en cyprès de l'Élan, pour être précis. C'est un résineux, comme ces résineux qu'on utilise pour entourer les maisons. C'est un peu des murs végétaux qui protègent les villas. La surface, elle est de... je dirais plus ou moins 3 mètres, avec une hauteur en ce moment de 2 mètres. Et c'est une végétation assez dense qui repose sur un socle en béton et il y a de la terre à l'intérieur. Il y a un peu cette idée du mur, même s'il est végétal. Un mur, ça délimite un peu des espaces, donc qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur du mur, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Et les sonorités qui ont été utilisées pour la pièce, c'est un peu des bruits de ville, de construction, de machines, avec des sons aussi plus organiques. Après, il y a des sons d'oiseaux. Et il y a toujours, je pense, un peu dans mon travail, cette recherche de flouter un peu les limites, de rechercher des sons qui sont issus du réel, qui font penser à de l'électronique, ou d'utiliser des sons électroniques qui font penser à des sons issus du réel. Et il y a un peu toujours cet amalgame de sons. Et je dirais que s'il y a un peu une partition, c'est un peu... Il y a une première partie qui pourrait être l'extérieur du mur et un point de basculement. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté du mur ? Belvédère sonore. Paysage à écouter, musique à regarder, œuvre à réinventer.